comme je suis. Pas du genre à me prendre la tête des jours, hamdou les autres. Obligé de faire avec, je viens de là où une réussite égale 10 000 échecs. Plus de zéro sur nos chèques, moins de soucis dans nos têtes. Je gère ma life comme je veux, je compte bien réaliser tous mes vœux. Ambitieux tout seul avec l'aide de Dieu. À quoi ça sert d'être envieux, posé sérieux? Je travaille dur pour avoir ce qu'il y a de mieux. J'ai la tête sur les épaules, l'avenir dans mes yeux. Je gère ma life et je compte réaliser tous mes vœux. Ambitieux, ambitieux. Je parle souvent avec des jeux, ça peut paraître prétentieux. Mais au moins je sais ce que je veux. Je ne vis pas pour les gens, je ne perds pas mon temps. Vos bâtons dans mes jambes, je vous les casse sur vos dents. Prends ta place sur le banc, l'espace et le talent. Le mille, je l'aurai avec ou sans les gants. Je suis comme je suis, pas du genre à me prendre la tête des jours. Hamdou les autres, obligé de faire avec. Je viens de là où une réussite égale 10 000 échecs. Plus de zéro sur nos chèques, moins de soucis dans nos têtes. Je gère ma life comme je veux, je compte bien réaliser tous mes vœux. Ambitieux tout seul avec l'aide de Dieu. À quoi ça sert d'être envieux, posé sérieux? Je travaille dur pour avoir ce qu'il y a de mieux. Je gère. On n'a rien sans rien, c'est les dures lois du système. Rien n'est acquis, même si ça paraît si simple. Une vie dingue, que certaines règles à coups de flingue, à coups de bringue. Pour oublier les soucis, écoute bien. La douche vient, y'a que le travail qui paye. L'argent sale ne vaudra jamais une bonne paye. Marcher la tête haute dans la rue, c'est 10 000 fois mieux que se faire courser par la BAC ou la BS. Véridique dans ce que je dis, on veut tous une belle vie à la Wonder Stevie. Un quotidien qui bouge comme les rues de Miami. Demande à Mi à la MIF que je lâcherai pas le MIC. NYC attitude, j'ai lâché les études parce que ma vie manquait de thunes. Manquait de juste à mon tour de faire mes thunes, de faire la une. Je balance mes suites pour faire mon buzz, il me faut de la pute. Comme je suis, pas du genre à me prendre la tête des jours. Hamdou les autres, obligé de faire avec. Je viens de là où une réussite égale 10 000 échecs. Plus de zéro sur nos chèques, moins de soucis dans nos têtes. Je gère ma life comme je veux, je compte bien réaliser tous mes vœux. Ambitieux tout seul avec l'aide de Dieu. À quoi ça sert d'être en Dieu, posé sérieux? Je travaille dur pour avoir ce qu'il y a de mieux. Je gère. Bien dans mon corps, bien dans mes Nike. Comme Murphy, je vais de la tuerie sur du Delenti. La jalousie est sur les visages. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens me dévisagent. Je les laisse parler parce qu'ils sont bons gars. Ça, que tu sois bon ou mauvais, restera encore comme ça. J'accorde pas d'intérêt à ce genre de personne. Moi pour faire ma musique, j'ai jamais besoin de personne. Je gère ma life comme je veux, j'ai bien dit comme je veux. Si t'es pas content parce que je suis baby, tu tires toi les cheveux. J'ai pas besoin de conseils, juste d'oseille pour avancer mieux. Fais pas de nerveux. Si t'as un truc à dire, dis-le moi dans les yeux. Habitué à gérer comme des grands mandats HM. Nous, on a des problèmes de grands. On a passé l'âge d'un. Et papa et maman, on gère notre temps, on gère des gens, on gère notre argent. Je suis comme je suis, pas du genre à me prendre la tête des jours. Hamdou les autres, obligé de faire avec. Je viens de là où une réussite égale 10 000 échecs. Plus de zéro sur nos chèques, moins de soucis dans nos têtes. Je gère ma life comme je veux, je compte bien réaliser tous mes vœux. Ambitieux tout seul avec l'aide de Dieu. À quoi ça sert d'être envieux, posé sérieux? Je travaille dur pour avoir ce qu'il y a de mieux. Spécialement dédicacé à tous ces gens qui font rien de leur vie et qui passent leur temps à critiquer et jalouser. Attendez, là j'arrive avec les thunes, voilà. Allez, si tu bouges pas, y'a des gars qui bougent pour toi, mon pote. Des gars, mon Dieu, elle apostrophe. Tony la famille,